Allô, allô, bienvenue au Lobster 13.0. Encore une fois, un lobster où j'ai des choses à vous raconter. Aussi incroyable que ça puisse être, je me suis ramassé par hasard ce week-end dans un festival où j'étais pas invité, mais où on m'a laissé entrer gratuitement. Je vous raconte ça dans le Lobster 13.0. Puis cela va m'amener à vous parler de glutation. Oui, de glutation. Moi, j'ai dû me retenir pour ne pas rire quand un individu, tout ce qu'il y a de plus sérieux, m'a demandé si je connaissais ma glutation. Donc c'est ça, cette semaine, le lobster devait partir en safari photo, mais il s'est ramassé au Changafes. On en parle au retour. Bon lobster! Incroyable! Cette fin de semaine, la froideur automnale était arrivée sur l'île Perrot et je trouvais que c'était le fun. Donc, je m'étais dit que ce serait une bonne idée d'aller faire un safari photo pour souligner la fin de l'été. Donc, j'ai ramassé mon Nikon dont j'avais rechargé les batteries et mis ma casquette. Et that's it! J'étais prêt! Première destination, le bout de notre île. Il y a un gros parc avec un moulin et il y a toujours plein de choses à photographier sur le bord de l'eau. Tout allait bien. Je roulais les fenêtres ouvertes. Surprise, je croise une mouffette morte sur le bord de la route. La voiture s'emplit de l'odeur suave de la bête morte. C'est délicieux pour le nez. Sans farce, moi j'adore l'odeur de la mouffette. J'aurais un parfum à cette odeur si ça existait. Mais bon, passons. Heureusement, ça n'existe pas. J'ai donc encore une chance de sortir de mon célibat. Donc, après un gros 10 minutes, j'arrive au parc. Mais surprise, c'est rempli. L'étudiante qui gère les entrées me salue et je lui demande « Qu'est-ce qui se passe ici? » Et elle me répond « C'est le Changafest. un festival de bien-être et de yoga. Ils ont réservé le parc aujourd'hui. Et j'imagine que vous venez pas pour ça? Oh non, moi je suis résident de Lille. Je venais marcher dans mon parc. Ah, vous avez une preuve de résidence? Oui, bien sûr. C'est bon, je dois vous laisser entrer. Vous pouvez aller marcher. Oh, merci. Crois-moi que je vais aller marcher. Donc, je me trouve un spot dans la verdure pour laisser mon VUS, puis je ramasse mon Nikon que je mets dans mon cou avec mon sac d'objectifs sur le dos. Puis je m'en vais à mon festival santé. Première chose qui frappe en entrant sur le site, où doit se trouver environ 300 à 400 dames en collant du yoga, c'est que ça sent bon. Je sais pas si c'est le trop-plein de madames qui prennent soin d'elles, mais je suis comme au paradis des effluves des demoiselles qui ont vraiment le don pour choisir des parfums qui sentent bon. Déjà que j'étais heureux, mon sourire s'accroche sur mes lèvres et ne me quittera pas pour la durée du festival. Donc, excité, je me dirige vers les kiosques santé où tous les gens sont gentils. À la première table, une gentille personne m'aborde en me disant de me prendre une pomme. C'est gratuit. Chaque participant a le droit à une pomme. Merci. Donc, je me prends une pomme. C'est des pommes du verger La Bonté, qui est pas loin du parc. La pomme est délicieuse. J'échange un sourire et on me demande par la suite si je suis journaliste. Non. Et c'est à ce moment que je remarque que tous les participants, 99% des femmes et 1% des maris qui traînent, ont tous des gilets du festival. En avançant un peu, je remarque le kiosque pour récupérer son gilet et je décide d'aller dans l'autre sens. Je pense pas qu'ils ont mon nom sur leur liste. Puis après vérification sur Internet, il semble que j'aurais dû payer entre 35 et 95$ selon la formule choisie pour m'inscrire. Donc, mais bon, moi, j'ai choisi la formule résident, donc c'est probablement moins cher, mais mon nom n'est pas sur la liste. Donc, je continue à sauter de table en table, heureux de recevoir autant de sourires. Les gens sont vraiment gentils et dans un mood qui est beau à voir. Et c'est à ce moment que la glutation fait son apparition dans ma vie. Après m'être encore fait demander si j'étais journaliste et où cette fois j'ai décidé de répondre oui pour simplifier la suite de mon expérience, je m'annonce maintenant comme journaliste pour le podcast Le Lobster. Pourquoi pas? Donc, le kiosque de la glutation, un gentil monsieur de l'âge de mes parents me remet mon cadeau à laquelle j'ai droit là, en tant que participant. Merci. C'est un genre de sous-verre en céramique dans lequel on a gravé un genre d'art. C'est pas laid. Puis là, je commence à écouter les explications sur la glutation. Bon, tout de suite, les oreilles me chauffent. On me parle d'un remède miracle et à écouter les explications, ça guérit le cancer, ça ralentit le vieillissement et je vous passe la suite. À en croire les études réalisées, ça serait un vrai petit miracle cette affaire-là. J'ai même le droit à une photo de René Angelil qui en aurait pris. Bon, à mon avis, il devrait revoir son exemple car si je ne m'abuse, Angelil est décédé. Donc, c'est pas la meilleure des exemples pour vanter un produit. Mais bon. Mais après tout ça, j'ai le droit à une explication sur la glutation. Mais même si j'ai les papiers devant moi en ce moment pour tenter de vous l'expliquer, ben, je suis pas capable. Mais bon, à plus de 100$ la boîte pour 30 jours de traitement, je classe ça dans les affaires que nous n'avons probablement pas besoin. J'écoute quand même toute l'explication là, pour être gentil qui s'étend sur un bon 5 à 10 minutes avant que je puisse m'échapper. Personnellement, si j'avais un festival santé, c'est le seul genre de kiosque que j'inviterais pas. Mais la suite des kiosques est vraiment mieux. Des expériences de massage, des livres santé, plein de choses le fun pour ceux qui aiment ça. Non, sans farce, c'est vraiment bien organisé. Les gens sont tellement souriants que c'est plaisant. Mais vite, je dois finir mon tour de kiosque car quelque chose se prépare. Tous les participantes en collant sont réunis face à la grosse scène où on commence à s'animer. Mais moi, en tant que journaliste, j'ai pas le droit de m'y rendre tout de suite. Oh non, parce que le candidat de la CAQ qui m'a remarqué a décidé de venir me jaser. Donc, on écoute un peu de musique relaxante, puis je vous en parle au retour. Hey there, you guys having a good time, ain't you? We came to make some noise, how about you guys? Oh, we can't fucking hear ya! Hey, it's okay to sing along for any of these songs you wanna, if you know the lyrics or not. So help out your buddy with them. Take a guess at this one. Sûrement attiré par mon look de journaliste ou ici pour parler avec le plus de gens possible, le candidat de la CAQ dans mon coin, Claude Bourbonnais, vient vers moi et se présente. Voici ce qu'on lit sur sa carte de présentation. Claude Bourbonnais est l'un des pilotes automobiles professionnels canadiens avec le plus d'expérience et il a mis sa passion au service de sa communauté à de nombreuses reprises, notamment par des campagnes de sensibilisation contre l'alcool au volant. Bon, moi, même si je croise plein d'affiches de lui tous les jours, je ne l'avais pas reconnu. Mais peu importe, je suis bien content de lui parler. Je lui explique qu'au matin, n'étant pas fixé sur qui voter, j'avais fait le tour des plateformes électorales des principaux partis et que j'avais finalement fixé mon choix, mais pas sur son parti. Je lui dis donc que je suis prêt à savoir ce qu'il propose pour notre coin. Donc, il commence à me parler de ses propositions. Sa première proposition me rejoint, devancer la mise en chantier du nouvel hôpital Vaudreuil-Soulanges. Ensuite, bon, faut croire que la politique est vraiment pas mon sujet favori. J'ai rien retenu. Mais heureusement, le gars était sympathique. Je lui souhaite bonne chance. Vite, vite! Le spectacle commence sur la grande scène. Mais tu sais, on a l'impression du palmier en un soleil, là. Hein? On fait comme le palmier en dessous du soleil. Regardez le cœur vers le ciel. Expirez, on pose dans les mains, on descend vers la droite. tirant le monde. Et on va descendre au côté, pousser dans le pied qui est au sol, le pied opposé, pour ramasser en fait tous les tourments sur le côté de son corps. Et on descend de nouveau. Et à l'inspire, on remonte. Et à l'expire, on aligne de nouveau le mental à la conscience de son corps. Et on va, je vous invite à avancer à l'avant de votre tapis. Super, on va pouvoir coller les pieds ensemble et porter les mains au cœur. En fermant les yeux, prenez cet instant pour connecter avec vous. Et prenez un instant pour connecter avec vos rêves, les rêves qui vous habitent. Prenez un instant pour connecter peut-être à des projets, à vos vœux les plus chers. On profite de ce moment de connexion pour se permettre de réaliser nos rêves et de les emmener aujourd'hui dans notre intention. Et pourquoi pas se servir de notre séance comme pour apporter nos rêves dans la matière. En restant connecté à ses rêves, à l'inspire, les bras vont monter au ciel. On inspire, on monte. On étire, on va utiliser Kali Mudra avec les doigts pour canaliser l'énergie, on étire complètement. Si la santé du dos est bonne, on peut même arquer vers l'arrière, plier les jambes. C'est à ce moment que je me suis avancé au milieu du cercle de femmes qui faisaient du yoga. Je me suis couché au milieu et elles ont toutes formé un cercle autour de moi. Couché sur le gazon, j'ai appelé Kali Mudra en inspirant. J'ai poussé sur mes pieds dans le sens opposé à mon cœur, tout en absorbant l'amour qu'on déversait sur moi. J'ai aligné ma conscience avec mon menton. J'ai connecté avec mes rêves. Et dès lors, dès que j'étais bien connecté avec le grand bisounours yogismatique, j'ai vu mon rêve et j'ai réalisé mon rêve. Toutes les femmes réunies en cercle autour de moi se sont dénudées et se sont approchées de moi pour me toucher. C'est à ce moment que j'ai vraiment pris conscience que j'avais pas d'affaires dans ce festival. Donc, je suis allé prendre mes photos de la nature. J'ai vraiment fait des jolies photos cette journée-là, sûrement inspirées par Kali Mudra. Quand j'ai eu terminé mes photos, je suis passé devant un deuxième kiosque de pommes, pas le même qu'à l'entrée. Puis là, évidemment, je suis allé jaser. Puis, les participants ont le droit de prendre une pomme. Merci. Elles sont tellement bonnes, vos pommes. J'avais tellement le goût de pomme qu'après mon festival santé, je suis passé au verger La Bonté. C'est sur mon chemin pour revenir chez moi. Et c'est là que j'ai vu que le bad karma existe. Le bad karma, c'est quoi? C'est quand tu fais quelque chose de pas correct, ben ça te revient dans la face. Au verger, je me suis donc acheté 6 muffins aux pommes, miam miam. Juste sur le retour, j'en ai englouti 2. Je me suis acheté du miel blanc sur mes toasts le matin, miam miam. Et je me suis acheté 5 livres de pommes d'une variété que je connaissais pas, la poune, c'est le nom de la variété. Et contrairement à ce qu'on pense, les pommes sont pas petites, non, elles sont vraiment grosses. Et c'est à la maison que j'ai vu que Bad Karma avait frappé. Je m'étais acheté 5 livres de pommes et en les pesant, j'ai vu que j'en avais juste 4,7 livres. Et c'est là que j'ai compris que c'était sûrement Kali Mudra qui m'avait volé quelques pommes pour compenser pour les 2 que j'avais pris à son festival. Le ciné est une de mes passions. Surtout les histoires de super-héros. Je trouve que toute cette mythologie qu'il y a autour des super-héros est fascinante. Prenons par exemple mon super-héros préféré, Superman. Pas trop terrible comme BD, pas génial au niveau du dessin. Mais la mythologie, elle, est tout à fait géniale. Elle est brillante. Il lui faut encore longtemps. Cette saleté pour faire son effet. Environ 2 minutes. Juste le temps qu'il me faut pour arriver là où je veux en venir. Alors, un truc de base de la mythologie du super-héros, c'est qu'il y a le super-héros et puis il y a son alter ego. Batman est en réalité Bruce Wayne. Spider-Man est en réalité Peter Parker. Quand il se lève le matin, il est Peter Parker. Il faut qu'il mette un costume pour devenir Spider-Man. Et c'est sur ce point très caractéristique que Superman se différencie des autres. Superman n'a pas eu à devenir Superman. Quand il est venu au monde, il était Superman. Quand Superman se lève le matin, il est Superman. Son alter ego, c'est Clark Kent. Son costume, avec le grand S rouge, c'est la couverture dans laquelle il était enveloppé, bébé, quand les Kent l'ont trouvé. C'est ça, sa tenue d'origine.

moi une vraie boucherie, New York à Kaboul City. Et si tu descends quand même dans ton traîneau éternel, surtout n'amène pas de cadeaux à ces enfants de salauds. Pour les grands sois sans pitié, surtout ne faites pas de quartier, ils ne l'ont pas mérité, mais rien dans leurs petits souliers. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, descends avec ton flingue, en bas y'a plus que des dingues. Mais n'oublie pas les enfants, ils t'attendent impatiemment, même si souvent leurs parents sont plus bêtes que méchants. Et si tu descends quand même dans ton traîneau éternel, surtout n'amène pas de cadeaux à ces enfants de salauds. Pour les grands sois sans pitié, surtout ne faites pas de quartier, ils ne l'ont pas mérité, mais rien dans leurs petits souliers. Petit Papa Noël, si tu vas à Bethléem, n'oublie pas les enfants, ils t'attendent impatiemment. Mais prends ton gilet pare-balles, là-bas c'est la guerre totale. D'ailleurs c'est la guerre partout, on vit dans un monde de fous. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas les poubelles, car en bas c'est le bordel. Les hommes n'ont pas été sages, ça a été un vrai carnage. Vois-moi une vraie boucherie, New York à Kaboul City. Petit Papa Noël, Petit Papa Noël, on fera mieux l'année prochaine. Petit Papa Noël. Je pense que l'humanité n'est pas nécessairement la favorite de la nature, que l'humanité peut très bien disparaître, que nous ne sommes pas une espèce sacrée, qu'il y a eu 10 millions d'espèces animales jusqu'ici et que 9 millions ont été éliminées. On n'est pas l'espèce élue comme on l'a cru pendant longtemps. La nature peut très bien se passer de nous. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Oh oui, je suis tombé par hasard là-dessus. Il y a un nouveau film d'Astérix qui s'en vient. Un film de bonhomme. Dans la même lignée que Le Domaine des Dieux, qui avait été très bon, à mon goût à moi, cette fois, Astérix et Obélix nous reviennent dans un film dont le nom est Le Secret de la Potion Magique. Et pour ce film, c'est la même équipe que pour Le Domaine des Dieux qui est reconstituée. Même équipe qui, avec Le Domaine des Dieux, avait eu un grand succès avec près de 3 millions d'entrées en salle. Cette fois-ci, Le Secret de la Potion Magique racontera comment, à la suite d'une chute lors de la cueillette de Guy, le druide Panoramix décide qu'il est temps d'assurer l'avenir du village. Expert en cueillette acrobatique du Guy, dans les branches des chênes qui peuplent la forêt qui entoure le village des Irréductibles, le druide Panoramix fait pourtant, une fois n'est pas coutume, une mauvaise chute. Mais le voilà qui cogite. Que se passera-t-il s'il se retrouvait dans l'impossibilité de préparer son fameux breuvage magique? Accompagné d'Astérix et Obélix, il entreprend donc de parcourir le monde gaulois à la recherche d'un druide talentueux à qui transmettre le secret de sa potion magique. On écoute la bande-annonce pour se mettre l'eau à la bouche, ou plutôt la potion à la bouche. En tant que druide et doyen, je dois faire face à mes responsabilités. toutes ces années sans anacro. Pas une fois je ne me suis même tordu la cheville. Pas une fois. Et là, d'un coup, sans prévenir, crac ! À partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Quoi ? Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui j'enseignerai la recette de la potion magique et qui deviendra le nouveau druide du village. Quoi ? Il parle d'une recette ! Qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi est-ce qu'on choisit forcément le plus sourdingue pour aller écouter au pauvre ? Oh, tout Atis ! Serait-ce toi ? M'invites-tu en ton abalon la secrète où les pommes poussent toute l'année ? Il parle de pommes ! Une recette avec des pommes ? Une tarte aux pommes ? L'arrêter ! J'ai entendu ! Pommes ! T'es sûr que t'as bien compris, Chouchounet ? T'es sûr que t'es pas sourdingue, Chouchounet ? J'ai une question. Si c'est un autre druide qui fabrique la potion magique, est-ce que j'aurai enfin le droit de la goûter ? Ce nouveau long-métrage d'animation est annoncé sur les écrans pour le 5 décembre 2018. Et vous savez tous, je l'espère, que le 5 décembre est une journée très importante. Oh oui, ce sera ma fête. Et oui, j'aurai bientôt 45 ans. Voilà, que rajouter de plus ? Rien. Oh yeah, mommy. Tout ça va se faire par ça. This is Collective Métissé. And this one we call it Mademoiselle. Yeah, this one is a special request for all my sexy ladies, Mamacita. Are you ready for this one? Mademoiselle, fais-nous danser. Car ce soir, y'a le son qu'il faut. Mademoiselle, chérie Coco. Avec toi, je suis très chaud. Feel the magic in the air. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. System, Red One, Chalky. Dans le merveilleux monde des bandes dessinées, j'ai une bonne nouvelle pour les amateurs de Lucky Luke. Pour sa 80e aventure, dont le titre sera Un cowboy à Paris, Lucky Luke quittera l'Ouest américain pour débarquer en France, à Paris plus précisément. Bon, j'ai déjà peur que ce soit mauvais. La dernière fois que Lucky Luke a quitté l'Ouest américain, c'était dans l'album La Belle Province. Et il était venu au Canada. Et quel mauvais album cela nous avait donné. Un album qui n'était pas à la hauteur habituelle des aventures de Lucky Luke. Donc, j'espère que cette fois-ci, il ne tombera pas trop dans les clichés français. Mais j'ai déjà hâte de le lire. Voici le synopsis de ce voyage. En raccompagnant les Dalton en prison, Lucky Luke rencontre Auguste Bartholdi, le créateur de la Statue de la Liberté. L'artiste entame une tournée de promotion à travers l'Ouest. Car si la statue est terminée et prête à être livrée, il manque de l'argent pour financer son gigantesque socle et Bartholdi cherche à en récolter auprès des populations indigènes. Un parcours plein de dangers et semé d'embûches. Lucky Luke va donc prendre le français sous sa protection à la demande du vice-président américain et va même accepter de l'escorter jusqu'à Paris. Cette excursion à Paris sera l'occasion pour le cowboy solitaire de croiser le chemin de Madame Bovary, Victor Hugo, Gustave Eiffel ou encore Claude Monet. Jolly Jumper, que tout le monde appelle Jolly Jean-Pierre, va quant à lui s'illustrer dans une course hippique à Auteuil. Tout un programme. Bon, tout est vrai sur le fond, précise le scénariste. Bartholdi a en effet écumé les États-Unis avec le bras de sa statue pour récolter de l'argent. Cela collait très bien à l'ADN de la série Luke et Luke. Des faits historiques avérés, un personnage un peu uluberlu et ce voyage qui permet des rencontres improbables. Donc, pour fêter ce nouvel album, le 80e de la série, il faudra patienter jusqu'au 7 novembre 2018, date de parution d'Un Cowboy à Paris. On devrait pouvoir mettre la main dessus et la faire signer au Salon du Livre de Montréal, j'imagine. J'ai pas vérifié si les dates correspondent, mais il y a 2 ou 3 ans, je me souviens qu'ils étaient sur place pour la signature. 80 albums dans la collection, quand même. C'est pas une des plus petites collections. Mais, oh comment le fun à lire! La majorité des albums ont des histoires qu'il fait plaisir de lire et de relire. Certaines plus classiques, comme Mad Alton, ne nous réservent plus de surprises quand on a vu et revu l'histoire dans la version animée à Ciné-Cadeau. Mais il y a plein d'histoires telles que La fiancée de Luke et Luke ou La ville fantôme qui, je suis sûr, ne vous disent rien. Donc, n'hésitez pas à découvrir Luke et Luke, des histoires suffisamment drôles et adultes pour plaire à vos ados ou à l'enfant qui se cache dans l'adulte en vous. En plus des 80 albums dans la série de base de Luke et Luke, il y a aussi la série de Rent en plan, qui est pas mauvaise, mais qui n'égale pas Luke et Luke, et aussi une troisième série sur le jeune Luke et Luke, que je me suis pas résolu à lire. En vérité, après en avoir feuilleté une et avoir vu un jeune Luke et Luke de 8 à 10 ans jouant avec des billes, je me suis pas senti rejoint. Ça me touchait pas, malheureusement. Donc, comme le monde des BD est suffisamment immense et vaste pour m'y perdre, je peux encore laisser certaines séries de côté. Je suis curieux, je possède combien de BD de Luke et Luke dans ma collection? J'ai vérifié et j'en arrive à 55 Luke et Luke et 2 Rent en plan. Quand même, je croyais pas en avoir autant. Par moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous. Melody Nelson. Mais elle en avait. Ses jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés. Clyde. lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer, pour la police ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé, dans les trois jours, voilà le tac-tac-tac, des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi, je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. De toute façon, on ne pouvait plus s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Petit avertissement pour ceux qui ont des légumes à l'extérieur ou des serres, le gel s'en vient. Le 24 septembre, tout a gelé dans la serre de mes parents, au chalet, au Saguenay. Donc, dans la région de Montréal, cette température devrait nous rejoindre d'ici 2 à 3 semaines. Donc, préparez-vous. Si vous avez des choses à cueillir, c'est encore le temps avant le gel. Sinon, il faudra commencer à prévoir le chauffage dans votre serre pour prolonger votre saison. Les élections. C'est fait, j'ai été voté par anticipation. Moi, il n'y avait aucune attente quand j'y suis allé, j'ai donc pas perdu de temps, et on me disait que 6% des gens dans ma région administrative avaient voté par anticipation. Je sais pas si c'est un bon pourcentage, mais les organisateurs avaient l'air heureux. Moi, j'ai donc voté pour le moins pire parti du lot. Non, sans blague, c'était pas évident. Si j'avais pu voter pour Centraide, je l'aurais fait. Au moins, l'argent qu'on envoie au parti par notre vote aurait vraiment servi à aider des gens. Mais bon. Voilà, on approche déjà de la fin du Lobster. Cette semaine, on se laisse sur la lecture de quelques aventures de Schtroumpf. Je suis allé chercher le livre Histoire de Schtroumpf, qui est un recueil d'histoires d'une page de Schtroumpf. Donc, je vous en lis quelques-unes pour le plaisir. C'est pas mon livre préféré. Moi, je préfère les livres de Schtroumpf ou un livre, une histoire. Mais celui-là, c'est juste des petites histoires d'une page. Mais ça se prête bien à la lecture dans le Lobster. Donc, je vous lis ça. Donc, la première histoire s'appelle « On reconnaît l'arbre à ses schtroumpfs ». Là, on voit un des schtroumpfs qui est en train de creuser un trou avec une pelle, puis il y a un autre schtroumpf qui s'avance derrière lui qui lui dit « Pourquoi tu schtroumpfs un trou ?» L'autre lui répond pour y schtroumpfer ce noyau de pêche, et bientôt ici, il poussera un gros arbre avec tout plein de fruits. Ah! Et voilà, il ne reste plus qu'à attendre. Eh bien, attendons. Fait que là, tu vois le schtroumpf qui a mis son noyau de pêche dans le trou, puis là, avec sa pelle, il tape sur le trou. Puis là, ils s'assoient les deux dans la... C'est comme une colline, ils sont assis dans l'herbe, puis il y a un des schtroumpfs qui sifflote. Là, la nuit arrive, les deux se mettent à faire à dormir. Après ça, il y a quelques cases encore. Mais là, on voit les feuilles qui tombent. C'est rendu, c'est des feuilles d'automne. Puis il y en a un qui dit « ça pousse pas vite, hein? » Non. La scène suivante, on les voit les deux, ils grelottent parce que là, il commence à neiger. Fait que là, on voit qu'ils passent au travers de l'hiver. Ensuite, l'été revient. Le printemps revient, je veux dire. On voit les fleurs qui poussent autour d'eux. Puis là, il y en a un qui est découragé, puis il regarde son trou, il dit « toujours rien ». Puis là, il y en a un qui répète, qui dit « non, c'est raté, viens, on s'en va ». Mais là, ils n'ont pas vu que derrière eux, l'arbre a poussé. On voit, ils nous montrent une vue du sous-sol. On voit que le noyau de pêche, il a juste fait ses racines, mais en arrière d'eux. Puis on voit qu'il y a un gros arbre avec des pêches. Prochaine histoire. Il n'y a pas de fumée sans schtroumpf. Là, on voit un schtroumpf qui est dans sa maison avec un soufflet. Il est en train de souffler du vent sur un feu qu'il essaie d'allumer. Puis il dit « tu vois, schtroumpf bricoleur, cette schtroumpf de cheminée ne veut pas tirer ». En effet, t'as le schtroumpf bricoleur qui regarde la cheminée avec un œil surpris. Puis là, le schtroumpf bricoleur, il sort dehors puis il dit « attends, je vais arranger ça ». Là, il s'en va à son atelier, puis là, tu le vois, il est devant une table à dessin puis il dessine plein de choses avec des tuyaux. Puis là, il dit « et puisque l'aspiration se schtroumpfera suivant une trajectoire A'-B'. Puis là, après ça, il revient à la maison du schtroumpf qui essayait de faire un feu. Le schtroumpf lui parle par la fenêtre, puis il demande « ça avance ?» Le schtroumpf bricoleur monte sur le toit, puis il dit « oui, j'ai presque fini ». Puis là, on voit qu'il met la main, il est en train d'installer quelque chose dans la cheminée, puis il dit « attention, je mets le système en marche. Dis-le-moi si ça tire à présent. » Fait que là, tu vois, le schtroumpf bricoleur, il tire sur le système pour que la cheminée attire la fumée dehors. Mais là, tu vois que tout ce qu'il y a dans la maison, même le schtroumpf qu'il l'avait appelé, passe par le tuyau, puis il est projeté dehors. Et voilà, puis on en lit une dernière. La dernière s'appelle « Poète, prends ton schtroumpf ». Fait que là, il y a un schtroumpf derrière sa table qui est en train d'écrire avec une plume, puis c'est écrit « Quand je te vois, mon cœur galope ». Puis là, qu'est-ce qui rime avec « galope » Fait que là, tu vois que le schtroumpf, il tourne en rond avec sa plume dans les mains, puis il dit « misanthrope, hypermétrope, cyclope, nyctalope, isotope ». Non, ça ne va pas. « Télescope, héliotrope ». Là, il s'en va dans la chambre de bain. Troisième top, autostop ou bas-stop. Puis là, hop, il a mis le pied sur un œuf qui traînait par terre. Pas un œuf, un savon. Puis là, tu vois que son pied part. Il fait un mouvement dans les airs. Il retombe sa tête, puis ça fait clop. Puis là, il dit « j'ai schtroumpfé ». Puis là, on voit qu'il y a une bosse sur la tête. Il retourne à sa table s'asseoir, puis il dit « quand je te vois, mon cœur galope, mon petit cœur qui fait clop-clop ». Et voilà, des petites histoires cute de Schtroumpf. Mais moi, c'est pas mon livre préféré quand c'est juste des histoires comme ça d'une page. Je vous conseille toujours le meilleur, c'est Salade de Schtroumpf, que mon garçon m'a redemandé de lire avec lui cette semaine et qu'on va faire sûrement. Je le trouvais pas, mais je l'ai trouvé tantôt, donc on va pouvoir le relire. Voilà, sur ce, on écoute encore un petit peu de musique, puis je vous reviens après ça. I found myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight and you pulled me close, split second and you disappeared. And I was all alone. I woke up in tears with you by my side, a breath of relief, and I realized no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose. Saying goodbye wherever.

Voilà ce qui met fin à ce Lobster 13.0. C'est ma dernière intervention. Vous pouvez toujours faire comme mon ami Martin et me laisser vos commentaires dans la page Facebook du Lobster. Je suis toujours heureux de vous lire. N'hésitez pas à me faire des demandes spéciales. Pour l'instant, il y a pas mal juste mon ami Martin qui ne se gêne pas pour me faire des demandes en privé. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit message privé pour entendre jouer vos chansons préférées. Sur ce, bonne fin de Lobster 13.0! In case you're wondering, it's called Still Waters. Just a little global plug, you know. Closer than close. closer and close to you. Mon nom c'est Devo Dabrowski. J'achète alors des suppositoires. Oui. Je regarde des instructions. Oui. Et si traduire dans anus. Oui. Je trouve pas l'anus dans la boîte. Non, monsieur. Je trouve pas. J'ai regardé instructions, je trouve pas du tout. Peut-être j'ai oublié dans la pharmacie. Non, non, non. L'anus. Non, juste un instant, monsieur, là. Un instant, s'il vous plaît. Bon, monsieur. Oui, mademoiselle. Bon, alors, vous devez, c'est des suppositoires, vous allez vous le déballer, le suppositoire. Je vais, vous l'ouvrez. J'ouvrir. Hop. Et puis... un instant, je vais rouvrir. Oui, pour mettre dans le rectum, monsieur. Il n'y en a pas dans la boîte. Ben oui, mais monsieur, vous ne savez pas où est-ce que c'est le rectum? Ben, je ne trouve pas dans la boîte. C'est, je tiens dans sa fond, hein? Ben oui, mais... Sa fond dans la main. Bon. Je vais voir quelqu'un de responsable. Un instant, monsieur. Merci. Hello. Oh? Hello. Pharmacie? Oui. J'ai tracheté chez vous, suppositoire. Oui. Marqué instruction. Instruction. Oui. Marqué introduire dans anus. Oui. Trouve pas anus dans la boîte. Ah, vous trouvez pas anus dans la boîte? Ben, savez-vous ce que c'est qu'un anus? Ben, je trouve pas dans la boîte. Ben, c'est pas dans la boîte, vous allez le trouver non plus. Je ne prions avec un verre d'eau. Vous en avez pris avec un verre d'eau? Prions verre d'eau. Un suppositoire. Ben, je prie verre d'eau. Oui. Après, lire instruction. Oui, mais... Vous... Marquer traduire dans l'anus, pas l'anus de boîte. Bon, ben, c'est bien une valeur. Vous avez pris avec un verre d'eau? Oui. Puis ça a-tu fait effet? Je sais pas. Non, ben, faudra attendre un peu, parce que je vais voir si ça va faire effet. Allô? Allô? Oui. Pharmacie? Oui. J'ai acheté un suppositoire. Regardez instruction. Oui. Gardez instruction marqué traduire dans anus. Trouve pas anus de boîte. Ah, oh, pas dans la boîte non plus. C'est suppositoire. Oui, pris où une pelouse avec de l'eau? Non, non. Ben pour, non. Pour prendre? Ben non, c'est suppositoire. Quoi, comprends pas. Dangereux? C'est dans les cas, c'est pas bon ça. Prendre avec de l'eau? Ben non, ben de l'eau, dans les cas. On passe avec de l'eau. Je prends une autre. Ouais. Combien de mètres dans un verre d'eau? Ben non. Le couvert. C'est un suppositoire, c'est un direct. Ça va. Oh. En français, on appelle ça l'ordinaire. Mais bien, on va développer le verre d'eau. Je comprends, là. Mm-hmm. Je vais prendre avec un verre d'eau. Ben non. Je comprends. Je vous demande autre chose. Oui. C'est bon pour tout le monde? Ben, qu'est-ce que c'est, ces affaires-là? C'est bon pour un solo, ce téléphone? Ça doit être ça, oui.